Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, pumua. Pour la grâce que tu nous accordes, nous chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu me des rois.